Hommage, de poème par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Hommage. 1. Pour y tasser le poids de tes belles lourdeurs, tes doubles seins frugaux et savoureux qu'arrose ton sang, tes bras bombés que lustre la peau rose, ton ventre où les poils roux toisonnent leur splendeur. Je tresserai mes vers comme au fond des villages, assis au seuil de leurs maisons, les vieux vanniers mêlent les osiers bruns et blancs de leurs paniers, en dessins nets, pris à l'émail des carrelages. Ils contiendront les ors fermentés de ton corps, et je les porterai comme des fleurs de fête, en tas massifs et blonds, au soleil, sur ma tête, orgueilleusement clair, comme il convient au fort. 2. Ta grande chair me fait songer aux centaures, dont Paul Rubens, avec le feu de ses pinceaux, incendiait les crins au clair, les bras en graisse, les seins pointés vers les yeux verts des lionceaux. Ton sang était le leur, alors qu'au crépuscule, sous tel astre mordant de soir le ciel des reins, leur grande voix ailait quelque farouche Hercule, que la nuit égarait dans le brouillard marin, et que l'essence crispée d'ardeur vers les caresses, et le ventre toujours béant vers l'inconnu, leurs bras tordaient l'appel lascif vers les adresses, des monstres noirs, lécheurs de rue, sur un corps nu. 3. Ce que je choisirais pour te symboliser, ce ne serait ni lys, ni tournesol, ni rose, ouvrant au vent frôleur leurs corolles en baiser, ni les grands nénuphars dont les pulpes moroses et les larges yeux froids chargés d'éternité bâillent sur les temps clairs leurs rêves immobiles, ni le peuple des fleurs despotiques et fouettées de colère et de vent sur les grèves hostiles. Non, mais tout frémissant d'aurore et de soleil, comme des jets de sang se confondent par gerbes, en pleine floraison, en plein vaste vermeil, ce serait un massif de dahlias superbe, qui dans l'automne, en feu des jours voluptueux, dans la maturité chaude de la matière, comme de grands tétons rouges et monstrueux, se raidirait sous les mains d'or de la lumière. 4. L'effort monte la vie, ainsi qu'un escalier, sans voir d'abord que les femmes sur leur passage tendent vers eux leurs seins, leurs fronts et leurs visages, et leurs bras élargis en branches d'espalier. Ils sont les assoiffés de ciel, nocturnes alliés, où buissonnent des feux en de noirs paysages, et si haut montent-ils, séduits par des présages, qu'ils parviennent enfin au suprême palier. Ils y cueillent des fruits d'astres et de comètes, puis descendent, lassés de gloire et de conquête, l'esprit déçu, les yeux ailleurs, les cœurs brûlés. Et regardant alors les femmes qui les guettent, ils s'inclinent devant, à deux genoux, et mettent entre leurs mains en or les grands mondes volés. 1892. Fin de Hommage.